tout commençait pour le mieux. Quand j'ai reçu son texto, il m'a dit qu'il préparait une soirée de fou dans un resto. Ça faisait un bail que je l'avais pas vu de temps facile. J'ai stoppé de l'appeler après de multiples tentatives. C'est pas grave, j'ai hâte de le voir, je passe l'éponge. Mélancolique de tous nos délires quand dans le passé je plonge. Bref, trois jours après c'est le jour J et comme d'hab je suis ponctuel. Mais l'accueil est glacial, un peu étrange comme Albert Dupontel. Maintenant que je suis là, je dois rester, c'est irréversible. Puis j'ai fait des efforts, j'ai sorti le cuir et les teams réversibles. Malgré la confusion, j'aperçois mon pote de longue date. Petite accolade et je lui dis que ça fait plaisir que l'on se capte. On reste au bar à bavarder avant de rejoindre les autres. Il me dit qu'il s'est rangé, qu'il reste sage, qu'il n'est plus dans le réseau. Il veut que ça se calme, vendre de la cam, l'a anéanti. Fini cabane et cavalcade, il veut dire top à séantise. Trop de feignantise pour travailler, il sa marchandise. Mais s'est retrouvé seul vu qu'il n'y a pas d'amitié qui marche dans le bise. Après ce court dialogue, on se pose et passe à table. J'espère que ce qu'il m'a dit est vrai, changer, est-ce qu'il sera capable. Certains voudraient stopper leur multiplication de fautes. Ne plus se frotter à la délinquance dans un monde de faux. L'addition de soucis divise les frères à tous les coups. Et quand on passe ces troubles te rattrape, c'est là que tu sers. Certains voudraient stopper leur multiplication de fautes. Ne plus se frotter à la délinquance dans un monde de faux. L'addition de soucis divise les frères à tous les coups. Et quand on passe ces troubles te rattrape, c'est là que tout s'écroule. La soirée suit son cours, je dirais qu'elle se déroule parfaitement. Mais je reste prudent, à Paname ça part en bagarre bêtement. Rapidement, il me présente le reste de l'équipe. Moi je suis bien mais bizarrement ma conscience elle rêve que je m'éclipse. Ça s'alcoolise, le rhum se boit comme l'eau minérale. À l'étage ça se défonce au moins un, au lève-toi ça se déraille. J'adhère pas donc avant que ça se dégrade je discute. Je veux pas de l'air gars et avoir au cul la brigade des stupes. Avec mon sauce on s'écarte, on a des choses à dire. On veut que la soirée soit calme et pas que des sauvages tirent. On parle tranquille, je vois qu'il a grandi mentalement. Après l'enfer, la prison ferme, il me dit qu'il peut plus vivre sans calmant. Il veut une femme et des enfants, pas de les entendre. Une vie indépendante, des sous mais des soucis, il ne veut pas les entendre. Il a des dettes mais il compte bien y mettre un terme. Aucun signe extérieur qui montre qu'il a trop de problèmes internes. Il a le moral, il le sourire, c'est un bon point. Il me dit qu'après on termine la soirée en boîte dans un bon coin. Je suis content de le voir comme ça et enfin épanoui. Que son bonheur s'est réveillé après cette longuement évanoui. Certains voudraient stopper leur multiplication de fautes. Ne plus se frotter à la délinquance dans un monde de faux. L'addition de soucis divise les frères à tous les coups. Et quand on passe ces troubles te rattrape, c'est là que tu sers. Certains voudraient stopper leur multiplication de fautes. Ne plus se frotter à la délinquance dans un monde de faux. L'addition de soucis divise les frères à tous les coups. Et quand on passe ces troubles te rattrape, c'est là que tout s'écroule. On a quitté le resto à 5 dans la gova. Défoncé, on va dans une boîte de Paname jouer les cadavres au bar. Le physio chipote mais mon pote des excuses en apporte. Le guise dans la poche, un billet vert, il nous ouvre grand la porte. À peine rentré, j'ai un mauvais pressentiment. Alcoolisé, je me dis que c'est chez nous qu'on aurait dû rentrer gentiment. Des gens qui mentent, malheureusement mon pote en fait partie. Avec lui dur de faire des contrats de confiance comme chez Darty. L'ambiance est électrique, ça regarde de travers. Ça joue les shows, les esprits s'échauffent après deux trois verres. Depuis tout à l'heure, un gars nous suit d'une allure délicate. Assez palaise, balafre sur la gueule, en guise de dédicace. On calcule pas, on n'est pas là pour en découdre. On est cool, on écoute le son qui coule, pas là pour prendre des coups. Il y a 10 minutes, mon pote n'avait pas l'air pressé. Mais depuis qu'on a croisé ce type, on voit qu'il apparaît stressé. Il me dit que ça va, son calcul c'est qu'il avale. Il me dit que ce type là-bas, c'est un ancien dealer qui vient de sortir de cabane. Ils ont fait des affaires ensemble pour tourner en bain de sang. Mon pote t'a balancé au tribunal de grande instance. Il a pris cher et veut le faire payer pour ses brouillants. Car pour lui, la vengeance est un plat qui se mange bouillant. Sans qu'on se rende compte, le gars s'approche et lui parle dans l'oreille. En une fraction de seconde, sort son couteau, c'est l'éternel Certains sommeil. Certains voudraient stopper leur multiplication de fautes. Ne plus se frotter à la délinquance dans un monde de faux. L'addition de soucis divise les frères à tous les coups. Et quand on passe ces troubles te rattrape, c'est là que tout s'écroule. Certains voudraient stopper leur multiplication de fautes. Ne plus se frotter à la délinquance dans un monde de faux. L'addition de soucis divise les frères à tous les coups. Et quand on passe ces troubles te rattrape, c'est là que tout s'écroule. Certains voudraient stopper leur multiplication de fautes. Ne plus se frotter à la délinquance dans un monde de faux. L'addition de soucis divise les frères à tous les coups. Et quand on passe ces troubles te rattrape, c'est là que tout s'écroule. Certains voudraient stopper leur multiplication de fautes. Ne plus se frotter à la délinquance dans un monde de faux. L'addition de soucis divise les frères à tous les coups. Et quand on passe ces troubles te rattrape, c'est là que tout s'écroule.